que je meurs, pour que vous me reconnaissiez. Le droit d'être chanteuse à part entière, faut-il que je la provoque, maman, pour que ma fille continue à vivre des fruits de mon imagination, de ma voix de rebelle, de mes chansons en forme, de coups de cœur. J'ai mal à mon chant qui n'en finit pas de hurler. Pourquoi ces censures à mon égard? Que vous ai-je fait sinon d'être moi-même envers et contre tous? Qu'ai-je fait de répréhensible si ce n'est vous avoir obligé sans violence inutile à vous enfoncer corps et âme dans vos contradictions, vos pitoyables haines, vos lâchetés démesurées? Si je n'être dangereux parce que je vis du côté des parce que j'embrasse ardemment toutes les révoltes. L'exercice de la censure est une gangrène rongeant l'intérieur malade d'une société à bout de souffle. Faut être vigilant pour éviter qu'elle ne nous dévore tout entier. C'est aussi cela, les visages du fascisme. Ne feignons pas de l'ignorer. Parmi les gens de mon espèce.